Elles avaient tout, tout. Qu'est-ce que tu veux? Les vues, elles avaient tout. Ah ja, dat is ook van mij. Van, is dat hetzelfde? Dat is mij. Dat is ook van mij. Ja, oh ja, die heb ik gedaan, die is niet.